J'ai deux lèvres et qu'une parole, que Dieu fasse, j'en embrasse qu'une. Qu'une tentation trop forte vienne pas faire pencher la bascule. Plutôt choper la peste que laisser une promesse HS. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai passé 5 sur 5 tous les crash tests. J'ai qu'une vie mais 1000 expériences qui me servent de parachute. Alors bien sûr j'suis plus le petit ange qui tenait sa mère par la jupe. Cette vie c'est un carnaval. T'as perdu si tu tombes le masque, c'est plus un bagage qu'il te faut, c'est une caravane. J'ai un grand cœur et deux facettes, une pour la plume, l'autre la massue. Ça fait du bien d'enfouir sa haine, ça fait du bien quand on l'a su. La gentillesse ça fait un moment, quand c'est mon tour on m'évite. Les barrières ça sert à ça, c'est toujours mieux que réparer les fuites. J'ai 150 000 défauts et la sincérité de l'avouer. Ça t'évite des milliers de questions, tu prends une punchline dans la foulée. On s'éloigne du bal des loups parce qu'on sait danser. Quand j'aime, j'y mets du cœur dans la franchise, les plaies sont pensées. J'ai deux yeux mais qu'une vision, ma peine est froide et l'argent grêle. On s'engraine dans la fiction, dans ces problèmes que l'argent crée. Un petit tronc du Kachasa, dans mon journal y'a pas de chazal. Je me suis dit bon ça sera déjà ça, dans nos regards y'a pas de chazal. Infâme alors qu'il est, t'as ressenti la cape. Y'a ce bâtard qui détruit sa femme alors qu'il aime autant qu'il la tape. Ce daron qui du sien a mangé des aventures très grosses, qui finira par flancher jusqu'à se venger sur ses gosses. Ils parlent de paix mais font la guerre, c'est pas des lattes qui tirent. Des peuples en peine d'amour sans père, pour des liasses dans la tirelire. Que des poules fument des clopes ou bien que nos terres chient de la fraise. M'en prends, moi je suis que l'enveloppe charnelle d'une énergie abstraite. J'ai deux oreilles mais qu'une entente, ça passe ou ça passe pas. Vite démarrage, j'ai trop tentant, mais chèque, il faut pas se battre. Le monde des chums, c'est la mélasse de la fée carabosse. Où Children pêche Max Mélan, c'est l'effet paradoxe. Paradoxe, comme mourir sans savoir vécu.